إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. طيب, donc on commence aujourd'hui le cours numéro 58 dans la lecture du livre اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. C'est le livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, avec les explications et les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan dans son ta'liq qui s'intitule At-ta'liq al-Qawim ala kitab iqtida' al-sirat al-mustaqim. Et au dernier cours, on a parlé de plusieurs points, des points très bénéfiques et des points très importants au sujet de qu'est-ce qui a rapport avec le fait de ne pas faire les actes de la jahiliya et de ne pas imiter les gens de la jahiliya. Puis on a expliqué des questions qui ont rapport avec ça. Et ça rentre, le fait de ne pas avoir le droit d'imiter les gens de la jahiliya, ça rentre dans le sujet justement de ne pas ressembler aux kuffars et de ne pas les imiter. Et donc on continue dans qu'est-ce que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a mentionné à ce sujet-là. Et il dit wa kadhalika aydan ruya anhu sallallahu alayhi wa sallam annahu naha 'an as-salati fi amakin al-'adhab. Fa rawa Abu Dawud 'an Sulayman Ibn Dawud akhbarana Ibn Wahb haddathana Ibn Luhay'a wa Yahya Ibn Azhar عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن عليا رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة فلما فرغ قال إن حبيبي النبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. ورواه أيضا عن أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أيضا أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي رضي الله عنه بمعناه ولفظه فلما خرج منها مكان برز. نعم. وقد روى الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله بإسناد أصح من هذا عن علي رضي الله عنه نحوا من هذا أنه كره الصلاة بأرض بابل وأرض الخصف أو نحو ذلك. وكره الإمام أحمد الصلاة في هذه الأمكنة اتباعا لعلي رضي الله عنه. وقوله نهانا أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة يقتضي أن لا يصلي في أرض ملعونة. Donc c'est un hadith que le Cheikh il rapporte un hadith qui est rapporté selon Abi Dawood et c'est dans le, yani, le sujet de l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier dans les endroits où il y a eu un châtiment, où les gens qui ont vécu dans ces endroits-là ont été châtiés par Allah subhanahu wa ta'ala. On a mentionné dans les cours précédents l'exemple des demeures de Thamoud. Les demeures de Thamoud que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit yani, de ne pas rester dans ces demeures-là et de ne pas passer, que lorsqu'on passe près de ces demeures, on doit passer en pleurant, hein, et de ne pas s'y arrêter. Et donc, ici, il y a l'exemple de ce qui est rapporté par Ali radiallahu anhu, qu'il est passé près de Babil. Hein? Il était en voyage, il est passé près de Babil. Babil, c'est une ville en Irak, qu'on appelle Babylone. En arabe, on l'appelle Babil. Et il est passé vers cet endroit-là, et le muadzin est venu pour faire le adhan de la salat al-asr. Et lorsqu'il a fini de traverser la région de Babil, il a ordonné au muadzin de faire le adhan et d'établir l'iqama. Quand il a fini de faire la salat, il a dit Habibi, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mon bien-aimé, celui que j'aime, il m'a interdit de faire la salat dans al-maqbara, c'est-à-dire dans le cimetière, et il m'a également interdit de faire la salat dans la terre de Babil, sur la terre de Babil, parce que c'est une terre qui est maudite. C'est une terre qui est maudite. Et même si dans cette chaîne de transmission, il y a quelques points de faiblesse, mais le cheikh, il rapporte d'autres chaînes de transmission de ce hadith pour supporter ou pour renforcer celles-là qui rapportent la même histoire. Et après il dit et il cite après que l'imam Ahmed a rapporté ce hadith-là aussi selon la narration de son fils Abdullah avec une chaîne de transmission qui est plus authentique et elle rapporte la même chose que la salat dans la terre de Babil est détestable, ou des terres sur lesquelles il y a eu un châtiment. Il a rapporté que l'imam Ahmad a détesté ce genre d'endroit pour établir la salat ou pour faire la salat, en suivant l'exemple de Ali radiallahu anhu. Et il dit lorsqu'il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a interdit de prier dans une terre, dans la terre de Babil, parce qu'elle est maudite, il dit cela implique, c'est-à-dire l'imam Ahmad, il dit cela implique qu'il est interdit ou qu'on ne doit pas prier dans une terre qui est maudite. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ce hadith aussi en disant هذا الحديث يدل على أن المعاصي والكفر يؤثران في الأرض وفي التربة. سبحان الله. C'est-à-dire que Cheikh, il dit que dans le hadith, il y a la preuve que les péchés et le kufr, ils affectent même la terre. Hein? Elles ont même, ça a même un effet sur la terre même, et même dans la poussière qui compose cette terre. Subhanallah. Donc, il dit wa anna 'ala al-muslim an yatajannab mawatin al-kuffar wa masakinahum li'an la yusibahu ma asabahum wa an la yu'addi as-salata fi ardihim allati kanu yaskununaha li'annaha biladun حل بها العذاب واللعنة أي ملعون أهلها واللعنة تؤثر حتى في الجمادات ففيه دليل على أن على المسلم أن يتجنب مواطن الجاهلية وكذا الصلاة عند القبور لأن في ذلك وسيلة إلى الشرك وإن كان المصلي يقصد بذلك وجه الله عز وجل فالنهي واضح لا لبس فيه. Donc le cheikh il dit que le musulman il doit s'écarter des endroits et des demeures qui ont été, dans lesquels les koufars ont été frappés par des châtiments. Et il a expliqué qu'on ne doit pas établir la salat dans ces terres-là, dans lesquelles ces gens-là habitaient. Parce que ce sont des endroits ou des pays ou des terres où les gens ont été frappés par un châtiment et par la malédiction, et dont les habitants ont été maudits. Et le cheikh, il dit que la malédiction en question qui les a frappés, elle ne touche pas uniquement, ou elle n'a pas uniquement un effet sur les habitants, mais elle touche également les habitations et la terre et les choses inertes. Al-jamadat. Hein? Al-jamadat. Donc il dit qu'il y a une preuve dans ça, que le musulman doit s'écarter des endroits de la jahiliya et des lieux de la jahiliya, et il doit également s'écarter de faire la salat dans les cimetières ou dans les endroits où il y a des tombes, parce qu'il y a dans ça un moyen ou quelque chose qui amène vers le shirk. Même si la personne qui fait la salat dans ces cimetières ou dans ces endroits où il y a un tombeau, son intention c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala, mais malgré tout c'est interdit de prier là-bas, parce que ça peut amener au shirk. Même si la personne elle-même elle prie pas à autre que Allah, mais les gens peuvent le voir prier dans l'endroit où il y a les tombes, et elle s'imagine qu'il prie aux tombes, hein, et elle veut suivre cet exemple. Et donc il y a dans ça une interdiction claire. Il n'y a aucune ambiguïté sur le fait qu'il est interdit de prier dans les endroits où il y a des tombes. Hein? Mais malheureusement, comme on le sait, dans qu'est-ce qui se passe dans les pays musulmans aujourd'hui, certains musulmans ont construit des mosquées sur des tombes, et parfois la mosquée existait auparavant, mais on a enterré à l'intérieur de cette tombe un homme pieux ou quelqu'un parmi les gens qu'on attribuait à la piété ou qu'on prétendait être parmi les awliya ou les astiyad ou les salihin, et on l'a enterré dans la mosquée. Et donc c'est devenu une tombe. Et donc les ulama ont expliqué qu'on n'a pas le droit de prier dans ces mosquées-là, et que si la mosquée existait avant, et on va le voir dans Iqtida Sirat al-Mustaqim, parce que Cheikh al-Islam, c'est dans ce livre-là qu'il a expliqué ce point-là. Donc dans les volumes suivants, on va voir qu'est-ce que Cheikh al-Islam a expliqué là-dessus. Mais il dit, si la mosquée était là en premier, puis qu'on a enterré un homme pieux dedans, alors on doit enlever cette tombe et la déplacer ailleurs, et l'amener dans un cimetière ou dans un autre endroit, pour purifier la mosquée et pour faire en sorte que la mosquée soit uniquement pour Allah. Si c'est le contraire, c'est-à-dire que la tombe était là en premier, puis qu'on a construit la mosquée par-dessus cette tombe, alors dans ce cas-là, les ulama ont dit, il faut niveler la mosquée, c'est-à-dire il faut la détruire, cette mosquée, et la niveler au niveau du sol, et faire en sorte que yani, ce soit un cimetière seulement, et non pas une mosquée. Ensuite, le Cheikh Al-Fawzan, il continue l'explication, il dit, وَقَدْ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَرْضَ بَابِلَ أَنَّهَا مَلْعُونَةَ وَبَابِلَ مَدِينَةٌ تَقَعُ فِي شَمَالِ الْعِرَاقِ وَكَانَتْ مَسْكَنًا لِلنَّمْرُودِ وَالْكَنْعَانِيِّينَ الذين بعث إليهم الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد ذكر الله قصته في القرآن. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la terre de Babel, Babylone, hein, qu'il a mentionné qu'elle était une terre maudite. Et Babylone, c'est une ville au nord de l'Irak. Et c'était l'endroit où habitait Nimrod. Nimrod, yani le roi un roi babylonien des Canaaniyim, ceux vers qui Ibrahim al-Khalil avait été envoyé comme prophète pour les appeler à Allah et au Tawhid. Et l'histoire de ça est mentionnée dans le Coran. Et c'est également une terre de sorcellerie. Hein? C'est une terre de sorcellerie et de sihr et de beaucoup de mauvaises choses qui sont arrivées de cette ville. et de cet endroit que les gens regardent parfois comme étant une des plus anciennes civilisations, comme ils disent. Et pourtant, c'était une terre de shirk, remplie d'idoles et remplie de statues que les gens adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens adoraient les étoiles et toutes sortes d'autres choses en dehors d'Allah. Donc, c'est une ville où il y a eu beaucoup de mal. C'est comme le verset dans Surat Al-Baqarah dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ. C'est ça l'exemple que je voulais dire. بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر. Donc ça c'est pour dire que c'est encore à cet endroit-là que les deux anges Harout et Marout étaient descendus, et c'est là que le sihr a débuté, yani, ou bien c'est de là que il y a eu beaucoup de sihr, yani. Babylone, naam, naam. Et il dit wa hadha fihi dalil على أن الواجب على المسلم تجنب مواطن الكفار مهما أمكن ولا سيما المواطن التي نزل فيها العذاب والعياذ بالله. فإذا كان الواجب على المسلم تجنب مواطنهم لأنها مواطن عذاب فكيف بالذي يتشبه بهم في أفعالهم وأقوالهم ولباسهم وعاداتهم وتقاليدهم لا شك أن ذلك أعظم. Donc le cheikh il dit il y a la preuve dans qu'est-ce qu'on a mentionné qu'il est obligatoire pour le musulman de s'écarter des endroits des kuffars, en particulier les endroits où il y a eu un châtiment qui est tombé sur ses habitants, parmi les habitants, yani, lorsque Allah a châtié un peuple, qu'ils ont été anéantis, waliyadu billah. Donc ces endroits là il est obligatoire pour les musulmans de s'écarter de ces endroits-là, parce que ce sont des lieux où des châtiments sont tombés. Alors, il dit le cheikh ensuite, alors que dire dans ce cas-là de celui qui imite leurs actions et leurs paroles et qui s'habille comme eux et qui suit leurs traditions et leurs coutumes? Il n'y a pas de doute que cela est plus grave encore. Et il dit ensuite, « wa qawluhu » وكره الإمام أحمد الصلاة في هذه الأمكنة مقتديا بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم تجنب هذه المواطن. وقوله نهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة, وهذا تعليل عام ينسحب على كل أرض أو بقعة نزلت فيها اللعنة فإنها تجتنب ولا يصلى فيها. Donc il mentionne la parole quand le cheikh il cite que l'imam Ahmad a détesté de prier dans ces endroits-là. Il a suivi l'exemple de Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. C'est lui qui a rapporté cette parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de s'écarter des endroits de la fitna, des endroits où il y a eu de la malédiction ou bien un châtiment qui est tombé sur les habitants à cause de qu'est-ce qu'il faisait. Après le cheikh il dit wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam barakallahu fika. وقوله نهاني أي نعم وقوله كره الإمام أحمد الصلاة في هذه الأمكنة مقتديا بأمير المؤمنين. Donc il a détesté, comme on a dit, cet endroit, de prier dans ces endroits-là ou de rester dans ces endroits-là parce qu'il y a eu un châtiment. Et il a suivi dans ça l'exemple d'Ali ibn Abi Talib parce que c'est lui qui l'a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis ensuite il a dit que Ali radiallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a interdit de prier dans une terre, dans la terre de Babel en particulier, parce qu'elle est maudite. Et le cheikh explique que ça c'est pas particulier à Babel, c'est pas juste pour la ville de Babel, mais c'est pour, c'est en réalité une raison en fait, la raison qu'il a donnée, du fait qu'elle est maudite, ça rend le verdict général pour toute autre terre qui est maudite aussi. C'est-à-dire, du moment qu'il y a une terre sur laquelle il y a eu un châtiment, ou qu'il y a une malédiction d'Allah qui est tombée sur cette terre, ou sur les habitants, ou les habitants de cette terre, alors dans ce cas-là, il ne faut pas rester dans cette terre-là, et il ne faut pas prier dessus, hein, parce que à cause de cette malédiction-là. Et le cheikh, il dit, « Wal hadith al-mashhur » Non, c'est d'après ce qu'on comprend par rapport à qu'est-ce qui est mentionné dans les hadiths que Cheikh l'Islam avait mentionné au cours dernier, c'est par rapport au châtiment qui est tombé sur ces villes-là, sur ces peuples-là. Naam. Donc le Cheikh il dit wal hadith al mashhur fi al hijr yuwafiqu hadha فإنه إذا كان قد نهى عن الدخول إلى أرض العذاب دخل في ذلك الصلاة وغيرها من باب أولى ويوافق ذلك قوله سبحانه وتعالى عن مسجد الضرار لا تقم فيه أبدا فإنه كان من أمكنة العذاب. Donc le cheikh il dit, le hadith qui est mentionné, qui est célèbre au sujet de al-Hijr, hein, les demeures de Samoud où les gens habitaient, où ils ont été châtiés, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de rentrer dans ces terres-là où il y a eu un châtiment, eh bien il faut comprendre que si c'est interdit d'y rentrer, c'est interdit également d'y faire la salat, hein, encore plus. Et ça, il dit que c'est en accord avec qu'est-ce qui est dit dans le Coran, hein, par Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de Masjid al-Dirar. Masjid al-Dirar, c'est-à-dire yani, la mosquée de la dissension. La mosquée de la dissension qui est mentionnée dans le Coran, le verset 108 dans Surat al-Tawbah. Ça, c'est une chose, une histoire que yani, les munafiqines avaient essayé de construire une mosquée en dehors de Médine, pour se réunir, pour faire leur complot, hein, puis contredire les ordres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et s'allier avec les kuffars contre l'islam. Donc ils ont fait en apparence qu'est-ce qui a l'air d'une mosquée. Mais en réalité, c'était quelque chose qui avait un autre objectif. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos de cette mosquée, Masjid al-Dirar, la taqum fihi abada. C'est-à-dire, ne te tiens jamais dans cet endroit-là. Hein? Et ça répond à ceux qui pensent ou qui disent, lorsqu'on critique les mosquées des gens de Bid'a, ou les mosquées des Khawarij, des Takfiriyin, ou d'autres groupes d'égarements, Masjid, il y a des gens qui adorent des tombes, ou qui adorent des morts, ou les Masjid des Soufis, ou des choses comme ça. Quand on les critique, on mentionne que ces endroits-là sont des endroits d'égarement, ils disent, comment vous pouvez dire ça, ce sont des maisons d'Allah, hein? Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne l'exemple avec Masjid al-Dirar, hein? Puisque ce sont des endroits où, même si ça a le nom d'une mosquée, mais en réalité c'est une mosquée créée pour faire la fitna et faire la dissension et éloigner les gens de la sunna et de l'exemple des salafs salih, et contredire l'islam, hein, les enseignements authentiques de l'islam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ordonné de la brûler, et cette mosquée, la mosquée de Dirar, elle a été brûlée justement. Donc on trouve ça dans le verset 107 et 108 dans sourate At-Tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. C'est-à-dire, ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire un mobile de rivalité, d'impiété, de kufr et de division entre les croyants, qui la prépare pour celui qui auparavant avait combattu Allah et son messager et jure en disant « Nous ne voulions que le bien ». Ceux-là, Allah atteste qu'ils mentent. Ne te tiens jamais dans cette mosquée, car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu t'y tiennes debout pour y prier. Et on y trouve des gens qui aiment bien se purifier, et Allah aime ceux qui se purifient. Et le verset, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans ce verset, la mosquée fondée dès le premier jour sur la piété, hein, il fait allusion à la mosquée de Quba. La mosquée de Quba qui est construite au nord de la mosquée de yani, qui est construite au nord de la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et justement, quand tu vas là-bas aujourd'hui, même encore aujourd'hui, tu arrives là-bas et même qu'ils ont écrit ce verset-là dedans, subhanallah. Je me rappelle encore le premier jour où je suis allé faire la salat à Masjid Quba. Je me suis remémoré à ce moment-là le verset en question, yani, subhanallah. Donc c'est la mosquée qui avait été établi sur la piété depuis le premier jour. Donc il y aura plus de détails dans les paroles de Cheikh Al-Fawzan sur les exemples de qu'est-ce qui a rapport avec Masjid Ad-Dirar. Le Cheikh Al-Fawzan il dit يعني ما جاء في من النهي عن الصلاة في أرض بابل يوافق النهي عن دخول أرض الحجر أي ديار يعني وهي ديار ثمود صحيح أنه لم ينهى عن الصلاة فيها ولكن النهي عن الدخول يشمل النهي عن الصلاة فيها من باب أولى فإذا دخلها يصلي فيها فإنه يكون أشد إثما من مجرد الدخول. Donc le Cheikh il dit c'est-à-dire que dans qu'est-ce que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit ici, il mentionne ce qui a été mentionné au sujet de l'interdiction de faire la salat sur la terre de Babylone. Et il dit que ça c'est en accord avec l'interdiction d'entrer dans la terre de Al-Hijr, c'est-à-dire les demeures de Thamoud, le peuple de Thamoud qui a été châtié par Allah. Et il dit que c'est vrai que dans le hadith en question, il n'y a pas d'interdiction dans le hadith au sujet des demeures de Thamoud et de ne pas y entrer. Il n'y a pas l'interdiction de faire la salat à cet endroit-là. Mais, il dit le cheikh, mais l'interdiction d'y entrer comprend également l'interdiction de faire la salat dedans encore plus. Mais si c'est pas permis d'y entrer, c'est encore moins permis d'y faire la salat. Parce que, il dit que si tu y rentres pour faire la salat dedans, eh bien tu commets un péché encore plus grand que de simplement rentrer dans cet endroit-là. Et il dit وقوله ويوافق قوله سبحانه وتعالى عن مسجد الضرار لأن هذا المسجد إنما أقيم لمعصية الله ولمضارة أهل مسجد قباء فأمر أو يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الصلاة فيه نعم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الصلاة فيه وهذا يوافق علة عدم الصلاة في أرض بابل والحجر وهذا شاهد واضح في أن آثار وأراضي الكفر الخاصة بهم لا يصلى فيها. Donc le cheikh il dit, et ça confirme, c'est en accord avec qu'est-ce qui a été mentionné au sujet de Masjid al-Dirar, la mosquée de la dissension. Il dit que Masjid al-Dirar elle avait été établie uniquement pour la désobéissance d'Allah et pour faire du tort aux gens de Masjid Quba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de ne pas prier dedans. Et plutôt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ordonné de ne pas prier dans cette mosquée-là, parce qu'ils l'ont invité. Les gens de la mosquée de Dirar, tellement ils ont de l'affront, ils sont sans gêne. Non seulement ce sont des munafiqines qui veulent faire de la dissension entre les croyants, faire de la fitna et combattre l'islam, mais ils demandent en même temps au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de venir faire la prière dedans pour montrer que oui, c'est une bonne mosquée, c'est une mosquée qui est correcte. Hein? Comme pour lui faire une tazkiya, cette mosquée, pour dire hein, au prophète, messager d'Allah, viens faire la salat dans notre mosquée. Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de ne jamais faire la salat dans cette mosquée. Et il dit que ça, c'est en accord avec la raison pour laquelle on a été interdit de faire la prière dans la terre de Babil et dans la terre de Al-Hijr. Et ça, il dit que c'est un témoin clair hein, au sujet des narrations qui parlent de ne pas prier dans les endroits de mécréance en particulier dans lesquels on ne prie pas. Il dit, attends juste un instant, وقصة مسجد الضرار أن جماعة من المنافقين بقيادة أبي عامر الفاسق الذي اغتاظ من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فعاداه وسبه ثم ذهب إلى الشام ليؤلب عليه ثم كتب لأصحابه المنافقين في المدينة أن يبنوا له بناء ومكانا للاجتماع فيه من أجل التشاور والتخطيط ضد النبي صلى الله عليه وسلم وليجعلوه مركزا لهم ينطلقون منه يكيدون للإسلام والمسلمين ولكنهم أظهروا خلاف ما يبطنون فسموه مسجدا وقالوا إنما أقمناه من أجل أن يصلي فيه الضعيف والعاجز ويصلي فيه في الليلة الشاتية والمطيرة. Donc le cheikh il explique que l'histoire de la mosquée de Dirar, la mosquée de la dissension, c'est qu'il y a un groupe parmi les hypocrites, les munafiqines, qui était dirigé par un individu qui s'appelait Abu Amir al-Fasiq, le pervers, qui était, lui, il était en colère du fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par Allah. Et il a détesté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a insulté. Puis il est parti vers la Syrie, la Palestine, cette région qu'on appelle Al-Sham, pour essayer de mettre les habitants du Sham contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a écrit à ses compagnons parmi les hypocrites qui étaient à Médine pour leur dire de construire un bâtiment qui serait un lieu de rassemblement pour eux dans le but de se rencontrer et de consulter et de planifier pour contrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils voulaient faire de cet endroit un centre duquel ils allaient pouvoir planifier tous leurs complots et leurs ruses contre l'islam et les musulmans. Donc ils ont montré ce qui est contraire à ce qu'ils ont caché. Ils ont montré qu'ils étaient des gens qui avaient une bonne intention, qu'ils voulaient faire du bien pour l'islam et pour les musulmans. En réalité, ils complotaient contre l'islam et les musulmans. Et ils ont appelé ce lieu un masjid, une mosquée, hein, un endroit de prière. Et ils ont dit, on a uniquement construit ce bâtiment ou cet endroit-là pour les faibles et les vieux et les personnes qui ne peuvent pas aller à la mosquée facilement parce qu'elle est loin, ils ne peuvent pas aller à Quba, donc ils vont prier dans cet endroit-là lorsque il fait froid ou lorsqu'il y a de la pluie ou des choses comme ça. فكان لهم قصدان في بنائه الأول أن يصرفوا الناس عن مسجد قباء ويحولوهم إلى هذا المكان والثاني أن يجعلوه مركزا للتخطيط والكيد ضد المسلمين وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه إقرارا له وصدف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على أهبة السفر لتبوك فوعدهم أن يصلي فيه إذا رجع. Donc ils avaient deux intentions d'avoir construit cet endroit. La première, c'était de détourner les gens de la mosquée Quba vers eux. Et la deuxième, c'était de faire de cet endroit un centre de complot et de ruse contre les musulmans. وَطَلَبُوا مِنَ النَّبِي. Donc ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de venir prier dans la mosquée pour confirmer qu'il est, comme pour montrer qu'il était en accord avec eux, avec leur mosquée. Mais le moment où ils l'ont invité pour venir, c'était le moment de la bataille de Tabouk. Hein? Donc les musulmans partaient pour Tabouk. Et c'était un long voyage. Donc ils pouvaient, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est excusé d'aller prier dans leur mosquée, mais il leur a promis qu'à son retour, il allait prier, il allait les voir lorsqu'il allait revenir, et il allait aller prier chez eux à son retour. ثم إن الله الذي لا تخفى عليه خافية علم مقصدهم وسوء طويتهم فنهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه لأنهم ما قصدوا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا محبة صلاته فيه وإنما قصدوا الخداع والمكر وإن يقوموا بعمل دعاية بعمل دعاية لهذا المبنى الخبيث والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب فوعدهم أن يصلي فيه فإذا رجع من تبوك ثم إنه رجع منصورا مؤيدا وسالما هو وأصحابه فلما أقبلوا على المدينة نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى في وصف أصحاب هذا المسجد والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المسلمين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui échappe. Il connaît tout ce qui est caché. Et donc il a su leurs mauvaises intentions et ce qu'ils cachaient comme ruse. Et à ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier dans cette mosquée. Parce qu'ils ont ils ont montré qu'ils voulaient montrer qu'ils aimaient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils aimaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prie dedans, mais en réalité c'était de la ruse et de la tromperie, hein? Et c'était uniquement pour faire de la publicité pour ce bâtiment, ce mauvais bâtiment. Et certes, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne connaissait pas l'invisible. Ça, c'est une autre preuve contre les gens de bid'ah, contre les soufis qui prétendent que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, connaissait le ghaib. Donc ça, c'est la preuve que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne connaît du ghaib que ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a révélé. Et donc, il ne connaît pas le ghaib de façon absolue. Et donc il leur avait promis de venir prier dedans. Et lorsqu'il est revenu de Tabouk, victorieux et supporté et en bonne santé et en vie et en bonne forme, c'est-à-dire il n'est pas revenu blessé ou rien, lui ainsi que ses compagnons, ils se sont tournés, donc ils sont retournés vers Al-Madinah. Et à ce moment-là, la révélation est descendue sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est à ce moment que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les gens de cette mosquée de dirar, de dissension, ceux qui ont pris une mosquée dans le but de faire de la rivalité ou de la dissension, de la mécréance et de la division entre les croyants, et un support pour ceux qui auparavant avaient combattu Allah et son messager, et ils jurent, hein, ils font des serments en disant nous n'avons eu que l'intention de faire du bien, hein, nous n'avions comme intention que le bien. يدير المقصود بذلك هو أبو عامر الفاسق وأتباعه والمسجد هو مسجد الضرار وهم يحلفون أن قصدهم من بناء هذا المسجد الحسنى والله سبحانه يعلم كذبهم والله يشهد إنهم لكاذبون ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم ففضحهم الله وهتك أستارهم. Donc le cheikh il dit qu'ils ont juré, hein, ils ont juré qu'ils voulaient que le bien, c'est-à-dire Abu Amir le fasiq et ses fidèles, et la mosquée qu'ils ont construite, la mosquée de dissension, et ils jurent que leur intention n'était que de faire le bien en faisant cette mosquée. Et Allah les a démentis, et il connaît leurs mensonges, et Allah témoigne que ce sont des mensonges. Puis il dit à son messager, comme c'est mentionné dans les versets 108 jusqu'au verset 110 dans Sourate At-Tawbah, il dit « Ne te tiens jamais dans cette mosquée, car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété, la mosquée de Quba, est plus digne que tu t'y tiennes debout pour y prier. On y trouve des gens qui aiment bien se purifier, et Allah aime ceux qui se purifient. » Et le verset 109 qui signifie « Lequel est plus méritant ?» Est-ce celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah, ou bien celui qui a placé les assises de sa construction sur le bord d'une falaise croulante et qui croula avec lui dans le feu de l'enfer? Et Allah ne guide pas les gens injustes. La construction qu'ils ont édifiée sera toujours une source de doute dans leur cœur, jusqu'à ce que leur cœur se déchire. Et Allah est omniscient et sage. Allahu musta'an. Donc ça c'est même si aujourd'hui par exemple il y a des gens qui font des mosquées ou qui bâtissent des mosquées établies sur la bid'a et sur l'opposition de la sunna pour combattre la da'wa des salaf et la da'wa vers le Coran et la sunna, c'est la même chose. Et ils agissent exactement pareil comme ceux qui rusent, hein, qui rusaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on dit que les gens de bid'ah, ils ont des caractéristiques des munafiqines. Ils ont des caractéristiques des munafiqines. Parce que regardez comment les gens de bid'ah agissent envers les gens de la sunna, et vous constatez qu'ils rusent et qu'ils font des complots contre les gens de la sunna qui ressemblent aux complots des munafiqines comme contre les musulmans, naam, et même qu'ils s'allient avec les kuffars contre les gens de la sunna pour leur donner des problèmes, pour leur faire du tort. Et naam. Et ils refusent de revenir à la vérité, de revenir au Coran, de revenir à la sunna et à la aqidah des salaf al-salih. Allahul musta'an. Donc tous les groupes, ça c'est leur caractéristique, que ce soit les khawarij, que ce soit les Shia al-Rafida, que ce soit les Soufiyas, regardez leur attitude, regardez leur comportement vis-à-vis des gens de la sunna et vous allez voir ces caractéristiques-là chez eux. Que ce soit les ikhwan et les gens de leur tendance, hein, c'est ça que vous trouvez chez eux, yani. Allah al-musta'an. Il dit, « Wa al-maqsoudu min hada anna Allah naha nabiyahu » Le plus étonnant dans ça, c'est que ces gens-là, parmi les gens de Bid'a et les gens de Hizbiya, quand les salafis ouvrent une mosquée, ils accusent les mosquées des salafis d'être des mosquées de dirar. Et donc, ils renversent les choses, ils inversent la vérité. Hein? Ils rendent le vrai faux et le faux vrai. Pourquoi? Parce qu'ils disent, ah, regardez les salafis, ils critiquent tous les musulmans. Regardez les salafis, ils critiquent les frères musulmans, ils critiquent les khawarij, ils critiquent les shia rafida, ils critiquent les soufia. Tandis que nous, on aime tous les musulmans, on critique aucun groupe, on critique aucune secte, on accepte tout le monde. Donc c'est pour eux, ça c'est la preuve que ceux qui sont la mosquée d'Irar, c'est les salafis. Parce que nous, selon eux, nous on critique les différents groupes de musulmans. Et donc, ça c'est la preuve de l'ignorance et de l'égarement de ces gens-là. Est-ce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des khawarij, il y avait des rafida, il y avait des soufiya, il y avait des shi'a, des ahbash, et toutes ces différentes sectes d'égarement? À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les sahabas étaient sur un seul islam. Et ceux qui contredisaient l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était les munafiqin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que c'était des munafiqin, il mettait en garde contre leurs caractéristiques et contre leurs signes et contre leurs exemples et contre leurs façons. Il a mis en garde contre la bid'a avant même que la bid'a apparaisse. Il a mis en garde contre les gens de bid'a avant même qu'il y ait des gens de bid'a. Il n'y avait même pas encore de bid'a parmi les sahaba, il n'y avait pas de bid'a du tout à son époque. Et malgré tout, il mettait en garde contre la bid'a et contre les gens de bid'a. Quand la bid'a est apparue, et que des gens ont commencé à ramener des innovations après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les premiers à combattre ces innovations et ces bid'a ont été les sahaba du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils les ont combattus et les ont réfutés une après l'autre, sans exception, yani. Ils n'ont pas eu de pitié pour les innovations et pour les groupes, et pour les groupes, et pour les sectes, et pour les innovations. Est-ce que vous allez dire que les sahaba étaient contre l'unité, et contre le fait que les musulmans soient unis, parce qu'ils critiquaient les rafida, parce qu'ils critiquaient les khawarij? Les sahaba ont même combattu les khawarij, ils ont combattu les haruriya, Ali ibn Abi Talib. Il a été le premier et Allah lui a donné le succès de combattre les khawarij et les rafida. Ali radiallahu anhu également a été un des premiers qui a même brûlé les gens qui suivaient Abdullah ibn Saba et qui disaient de lui qu'il était Dieu. Allahul musta'an. Ça a été rapporté même de lui. Il a dit, lamma ra'aytu al-amra amran munkaran ajjajtu nari wa da'awtu qambara. Il a dit, lorsque j'ai vu que l'affaire était devenue tellement mauvaise et tellement grave, j'ai fait allumer un feu et j'ai appelé qambara pour qu'il les jette dedans. Qambara, c'était son servant, yani, son esclave, et pour qu'il prépare la fosse pour les brûler dedans. Malgré que Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu a dit, il n'aurait pas dû les brûler par le feu, parce que ça c'est le châtiment d'Allah. C'est le châtiment par lequel seul Allah peut châtier. Mais c'est pour dire à quel point il a trouvé l'affaire tellement grave. Il les a châtiés. La même chose pour les autres sahaba. Lorsque les Qadariyas sont apparus, Abdullah ibn Abbas, qu'est-ce qu'il a dit à propos d'eux? Abdullah ibn Umar, qu'est-ce qu'il a dit à propos d'eux? La même chose. Il les a critiqués, il les a réfutés. Et la même chose pour les autres bid'a qui sont apparus à l'époque des tabi'in. Et à l'époque des tabi'in. Et les imams. L'imam Malik, qu'est-ce qu'il a réfuté? Des jahmiyyah. Et des gens qui niaient les attributs d'Allah. La même chose pour l'imam al-Shafi'i, qui a réfuté les, ces gens-là aussi. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal, qui a supporté même la, la fitna de Khalq al-Qur'an de la part des Jahmiyyah et des Mu'tazila, qui l'ont torturé pendant des années. Trois des khulafas des Abbasiyyin qui ont été sur la voie des Mu'tazila, et il a enduré leur torture, et il est resté ferme sur la sunna jusqu'à sa mort. Et que dire après des autres imams qui ont défendu la sunna aussi contre les groupes et contre les égarements de ces groupes de déviation, que ce soit les gens de Hulul, les gens du Rafd, les gens de Takfir, de Khawarij, et les gens de Wahdatul Wujud, et les différentes sectes d'égarements qui sont apparues après les, avec les siècles. Et aujourd'hui, à notre époque, on arrive et on essaie de nous dire, il ne faut pas critiquer personne, il ne faut pas blâmer personne. Toute personne qui se dit musulman, peu importe en quoi il croit, peu importe qu'est-ce qu'il dit, il faut l'accepter, il faut fermer les yeux. Ça, c'est dû à l'ignorance et à l'égarement et l'absence de compréhension de la réalité de l'islam. Et donc, les gens qui sont sur le dirab et qui sont sur l'opposition de la réalité de l'islam, ce ne sont pas les gens qui suivent la voie des salafs, mais au contraire, ce sont ceux qui yani, opposent la voie des salafs. Le Cheikh il dit, والمقصود أن هذا أن الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الموطن الذي أقيم من أجل معصية الله فدل على أنه لا تجوز الصلاة في مواطن الكفر وأن نيات أصحابها الخبيثة تؤثر حتى في المباني والبقاع لأجل ذلك نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يهدم هذا المسجد ويحرقه وهذه هي نتيجة الكذب والخداع والخيانة والنفاق والعياذ بالله. Et donc le cheikh il dit, et le but et l'objectif de tout ce qu'on a expliqué, c'est de faire comprendre que Allah a interdit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire la salat dans les endroits dans lesquels il y a les gens ont construit les, ces endroits-là pour le, la désobéissance d'Allah. Donc les lieux qui ont été établis dans le but de désobéir à Allah, il n'est pas permis de faire la salat dans ces endroits-là, ni dans les endroits de kufr. Parce que l'intention des gens qui ont construit ces lieux-là, c'était une intention qui était mauvaise, une intention qui était sale. Et cette mauvaise intention, cette sale intention qu'ils avaient, a même eu un effet sur l'endroit même et sur le lieu même où ils ont, hein, où ils ont bâti ça. Et à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de faire la salat dans ces endroits-là. Et même que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé des messagers de sa part à Masjid Quba, à Masjid Dirar, pour qu'elle soit détruite et qu'elle soit brûlée. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'elle soit brûlée, la mosquée de Dirar. Et ça, c'est le résultat de quoi? Le résultat du mensonge, de la trahison, de la tromperie, de l'hypocrisie. Wal'iyadu billah. Et naam. Donc, ça, c'est. Tout ça, ce sont des exemples de la part de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran à propos de l'exemple de Masjid Dirar. Et Cheikh al-Islam, il dit ensuite. وقال سبحانه وتعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم وقد روي أنه لما هدم خرج منه دخان وهذا نعم. Donc Cheikh al-Islam il cite le verset 109 dans sourate At-Tawbah. Est-ce que celui qui a établi ou qui a fondé la construction le bâtiment qu'il a fait sur la piété, hein, la piété, la crainte d'Allah et son agrément, est-ce que ça c'est mieux? Ou celui qui a fondé son bâtiment sur le bord d'un gouffre croulant, hein, et qui croule par cela dans le feu de l'enfer? Il a été rapporté que lorsque la mosquée en question a été détruite, la mosquée de Dirar, il y a de la fumée qui est sortie, hein, qui est sortie de cette mosquée. Après, il dit وَهَذَا بَيَانٌ لِنِيَّةٍ وَقَصْدِ الْفَرِيقَيْنِ لِنِيَّةِ وَقَصْدِ الْفَرِيقَيْنِ فَأَصْحَابُ مَسْجِدْ قُبَى أَسَّسُوا مَسْجِدَهُمْ عَلَى التَّقْوَى وأما أصحاب مسجد الضرار فأسسوه على نية خبيثة كجرف هار فانهار بهم في النار فانظر كيف أن النية الطيبة لها تأثير في الصلاح والصلاة فيها والخير بل حتى في الأراضي والمزارع ونية السوء تؤثر في الأراضي ويمنع الصلاة فيها بالقصد والغور والمياه وبؤس الأشجار ونقص الثمار وغير ذلك قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Et donc le cheikh il dit que ça prouve que l'intention, hein, elle a une importance, et l'objectif des deux groupes, on voit la différence entre les deux. Les gens qui ont construit la mosquée de Quba, ils l'ont établie sur la piété, leur mosquée. Tandis que Masjid al-Dirar, ils l'ont fondée sur une intention qui était sale. Et ils ont croulé dans l'enfer avec leur mosquée. Et regardez la bonne intention, l'effet qu'elle a, hein, dans le bien et dans la salat, il y a du bien dedans. Et ça a même un effet sur la terre sur laquelle elle est établie, et même sur les champs, sur l'agriculture. La bonne intention, elle a un bon effet sur tout ce qui l'entoure, sur le bâtiment. Et sur tout ce qui entoure le bâtiment, même sur la terre. Tandis que la mauvaise intention, eh bien c'est le contraire. Hein? Elle a une mauvaise effet, même sur la terre. Et elle fait qu'on est empêché de faire la salade dessus. Et elle ramène la sécheresse. Elle ramène le fait qu'on n'a plus d'eau. Elle ramène le fait que les arbres qui sèchent, le manque de fruits ou le peu de fruits, la diminution des fruits qui sortent de ces arbres. Donc, il cite le verset 41 dans Sourate Ar-Rum, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et la corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les mains des gens ont acquis. » pour leur faire goûter une part de ce qu'ils ont fait pour qu'ils puissent revenir. Hein? Et l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, dans son livre Ad-Da'u wa-Ad-Dawa, il explique justement les effets des péchés qu'on fait même sur la terre, et du fait que lorsque on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala sur une terre, eh bien ça a un effet même sur la terre et sur les fruits et sur les choses qu'on mange et sur les choses qui sont produites par cette terre. Et on discutait de ça une fois avec des frères, et puis on disait beaucoup de gens se plaignent de qu'est-ce qui sort de la terre et des produits de la terre, en disant que aujourd'hui on dirait que les fruits, les légumes ont plus le même goût qu'auparavant. Les fruits avaient un goût, les légumes avaient un goût, et que c'était, yani, il y avait quelque chose, une bénédiction dans la nourriture. Aujourd'hui, il disait, c'est comme si tout n'a, yani, les choses ont perdu leur goût, et Les fruits, tu manges les fruits, ça goûte plus rien. Les légumes, la même chose. Et tout ça, c'est l'exemple de l'effet des péchés, yani, sur ces terres-là. Allah al-musta'an. Donc le cheikh, il dit, « وَهَذَا كَمَا أَنَّهُ نَدَبَ إِلَى الصَّلَاتِ فِي أَمْكِنَةِ الرَّحْمَةِ كَالْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ وَمَسْجِدِ قُبَى فكذلك نهى عن الصلاة في أماكن العذاب وأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب وجعلت مكانا للإيمان والطاعة فهذا حسن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طواغيتهم وأمر أهل اليمامة أن يتخذوا المسجد مكان بيعة كانت عندهم وكان موضع مسجده صلى الله عليه وسلم مقبرة للمشركين فجعله صلى الله عليه وسلم مسجدا بعد نبش القبور. Donc le cheikh il explique, il dit que de la même manière qu'il est recommandé de prier dans les endroits de la miséricorde et dans les trois mosquées, la mosquée à Mecca, à Médine, la mosquée de Bayt al-Maqdis, à Mecca, à Médine et à Bayt al-Maqdis, ça c'est les trois mosquées, les trois grandes mosquées, et la mosquée de Quba. Il dit de même qu'il a été, de la même manière, il a été interdit de prier dans les endroits où il y a eu un châtiment. En ce qui concerne les endroits de péché et de coffre, mais sur lesquels il n'y a pas eu de châtiment, si elles sont devenues des endroits de foi et d'obéissance, dans ce cas-là, c'est bien. C'est-à-dire que s'il y a des lieux où les gens adoraient autre que Allah dedans, auparavant, ou des endroits de coffre ou de péché, puis que ces endroits-là ont été transformés par la suite en des mosquées pour établir le tawhid et l'unicité d'Allah et la foi, c'est bien de prier dans ces endroits-là et de faire des mosquées dans ces endroits-là. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné aux habitants de Taif de faire leurs mosquées à la place où auparavant ils avaient leurs idoles. Et aux gens de Al-Yamama, il leur a ordonné de faire leur mosquée à un endroit où ils avaient leur temple ou leur lieu d'adoration auparavant. Même que la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était un cimetière des mouchriquines auparavant. Et il a construit la mosquée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en a fait une mosquée, il a construit une mosquée après avoir enlevé tous les tombes des mouchriquines et les avoir déplacées ailleurs. Hein? Il a enlevé tous les tombes et les ossements et les choses où les gens étaient enterrés, il les a remis ailleurs et il a construit la mosquée à cet endroit-là. Et le cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit, قوله صلى الله عليه وسلم وهذا كما ندب إلى الصلاة في أمكنة الرحمة كالمساجد الثلاثة المقصود أن الله أمر بالصلاة في مواطن الرحمة المساجد المؤسسة على النية الصالحة فأمر بالصلاة في المساجد الثلاثة المسجد الحرام وقد أسسه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام والمسجد النبوي وقد أسسه محمد صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى وقد أسسه إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام فهي مساجد الأنبياء وبنيت بنيات صالحة وسبقت فيها العبادة فالصلاة فيها لها فضيلة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى وقال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرام فإن الصلاة في مسجد الحرام بمئة ألف صلاة وفي المسجد النبوي بألف صلاة والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة وكذلك في مسجد قباء فإن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فكان صلى الله عليه وسلم يخرج إليه كل سبت ماشيا وراكبا يصلي فيه فيسن لمن كان في المدينة سواء كان من أهلها أو قادما إليها أن يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه. نعم. Donc le cheikh explique que quand il mentionne la parole de Cheikh al-Islam, quand il a dit qu'il est recommandé de prier dans les endroits où il y a les endroits de la miséricorde et les trois mosquées, il dit, qu'est-ce qu'on veut dire ici, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de faire la salat dans les endroits où il y a la miséricorde. Et les mosquées qui ont été établies avec une intention propre et pure et bonne. Et il a ordonné de faire la salat dans les trois mosquées. La mosquée Al-Haram à la Mecque, elle a été établie par Ibrahim Al-Khalil alayhi salam. Et la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mosquée Masjid al-Nabawi, qui a été établie par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et la mosquée de Al-Aqsa, qui a été établie et fondée par Ishaq, le fils d'Ibrahim alayhi salam. Et donc ça c'est les mosquées des prophètes alayhi salatu wa sallam, et elles ont été bâties avec des intentions sincères et pures et propres, des bonnes intentions. Et elles ont été faites pour l'adoration. Et donc, dans le prier dans ces endroits-là, il y a un mérite grand de prier là-bas. C'est pas comme les autres mosquées. C'est plus méritoire. Et il donne l'exemple que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne faites pas de voyage vers d'autres mosquées que les trois suivantes. La mosquée qui est à la Mecque, la mosquée du messager sallallahu alayhi wa sallam et la mosquée Al-Aqsa qui est à Bayt al-Maqdis, c'est-à-dire actuellement en Palestine. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, une prière dans ma mosquée c'est mieux que 1000 prières dans n'importe quelle autre mosquée excepté la mosquée de la Mecque, la Masjid al-Haram. Et il a dit que la mosquée, de la prière que tu fais dans la mosquée Al-Haram, à la Mecque, elle vaut 100 000 prières, 100 000 salats. Et la prière que tu fais dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle vaut 1000 salats. Et la prière que tu fais dans Al-Aqsa, Al-Masjid Al-Aqsa, elle vaut 500 prières. Et juste pour mentionner en passant qu'il est important de faire la distinction entre Al-Masjid al-Sakhra et Masjid al-Aqsa, parce que beaucoup de musulmans ils ne distinguent pas entre les deux. Ils pensent que la mosquée bleue avec le dôme, ils pensent que c'est cette mosquée qui est Al-Aqsa, alors qu'en réalité c'est l'autre qui est à côté, qu'on appelle la mosquée Al-Aqsa. Celle qui est avec le dôme et qui est bleue, on l'appelle Masjid al-Sakhra. Et ce n'est pas de cette mosquée-là qu'il parle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il parle de la mosquée de Al-Aqsa. Et c'est dans Al-Aqsa qu'il a dit que la prière vaut 500 prières. C'est 100 000. À la Mecque, c'est 100 000 prières. Miat alf. Donc chaque fois que tu fais une prière à Mecca, eh bien, c'est comme si tu faisais 100 000. Subhanallah. Et également, il y a un mérite de prier dans la mosquée de Quba. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné la mosquée. Cette mosquée dans le Coran, dans Surat al-Tawbah, dans le verset qu'on a lu tout à l'heure. Il a mentionné cette mosquée comme étant la mosquée qui a été fondée sur la piété depuis son premier jour. Elle mérite plus que tu t'y tiennes. en parlant yani de mosquée Quba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y allait chaque samedi. Il allait à Quba, il partait de la mosquée, il partait de sa mosquée à Médine. Il marchait vers Quba, soit il marchait à pied, ou il partait sur sa monture, et il allait jusqu'à Quba pour faire la salat, et puis il revenait à Médine. Hein? Donc, yani, et ça c'est une sunnah de faire ça, d'aller prier rak'atayn, de quitter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de partir de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Quba pour aller faire rak'atayn, ou bien pour aller faire une salat. Ça c'est une sunnah, peu importe pour que tu sois un habitant de Médine ou que tu sois quelqu'un qui vient en visite à Médine, d'aller à la mosquée de Quba pour prier dedans. Et il y a même un hadith qui mentionne, et le cheikh il l'a pas mentionné, mais il y a un hadith qui mentionne que celui qui le fait, il a la récompense d'une umrah. Hein, si je me trompe pas. Donc il a la récompense d'une umrah. Donc ça c'est une grande récompense, yani. Ensuite le cheikh Al-Fawzan il dit wa qawluhu fa amma amakin al-kufr wal ma'asi allati lam yakun fiha adhab. المقصود من هذا التفصيل أن لا يتوهم أن كل بلاد الكفر لا يصلي فيها ولا تجوز زراعتها ولا استعمالها. فالأرض على ثلاثة أقسام: قسم أمر الله أن يصلى فيه وينتفع به، وهي الأرض الطيبة المباركة التي لم يسبق أن كان فيها كفر وعذاب، وقسم نهى الله عن الصلاة أو الجلوس فيه، وهي الأرض التي نزل فيها عذاب ولعنة كديار ثمود ومسجد الضرار، والقسم الثالث أراضي حصل فيها كفر ولم يحصل فيها عذاب، فهذا القسم لا مانع من تحويله إلى مسجد، مثل ما حول مكان اللات في الطائف والبيعة التي كانت في اليمامة إلى مساجد، ومثل مكان مسجده صلى الله عليه وسلم، فإنه كان فيه قبور للمشركين، فنوبشت وبني مسجده صلى الله عليه وسلم مكانها. Donc le cheikh il explique un point très important ici. Il dit en ce qui concerne les endroits de mécréance et de péché dans lesquels il n'y a pas eu de châtiment, qu'est-ce qu'on veut dire par cela? Il dit, on veut dire, ce détail c'est dans le but d'enlever l'idée ou la pensée que certains pourraient avoir, ou la mauvaise conception que certains pourraient se faire après avoir entendu ce qu'on a mentionné au sujet des terres de Kufr, hein, ceux qui pourraient penser qu'on n'a pas le droit de prier dans les terres de Kufr de façon absolue, et qu'on n'a pas le droit de faire pousser d'agriculture ou de choses, ou d'utiliser ces terres-là de façon absolue. Ce n'est pas le cas. Il dit, le cheikh, que les terres sont divisées en trois catégories. Une terre, la première catégorie, la terre que Allah nous a interdit de prier, nous a ordonné de prier dessus, pardon. Première catégorie, c'est celle qui nous a ordonné de prier dessus et d'en profiter, et c'est la terre qui est bonne et qui est bénie, hein, et qui n'a pas eu de coffre dessus ni de châtiment. La deuxième catégorie, c'est une terre sur laquelle Allah nous a interdit d'établir la salat ou de nous asseoir dessus ou de rester à cet endroit-là. Et c'est les terres sur lesquelles un châtiment d'Allah est tombé, ou une malédiction, comme les demeures de Thamoud, le masjid al-Dirar, ou des lieux comme ça. Et la troisième catégorie, c'est les terres sur lesquelles il y a eu du kufr, mais il n'y a pas eu de châtiment. Et il dit, ces terres-là, cette catégorie-là, il n'y a pas de mal de les transformer en mosquées. Hein? Comme les endroits, par exemple, où les gens adoraient Al-Lat. hein, dans la ville de Taif. Ça, on a fait une mosquée à cet endroit où le temple qui était à Yamama, où les gens adoraient autre que Allah. On a fait une mosquée, des mosquées dans ces endroits-là. De même que l'endroit où la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été construite, c'était un cimetière pour les mouchriquins. Eh bien, on a enlevé les tombes et on a construit la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam par-dessus. Il dit « Wa qawluhu kama amara al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ahl al-Taif an yaj'alu al-masjid makan al-tawaghitihim » لأن هذا من تحويل مكان الكفر إلى مكان إيمان كما حصل إلى كما حصل في مسجد الطائف الذي يسمى مسجد العباس أو مسجد ابن عباس فإنه يقال أنه كان فيه موطن اللات فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل مسجدا فحول من كونه مكانا للشرك إلى مكان للتوحيد والعبادة وكذلك أمر أهل اليمامة من بني حنيفة أن يجعلوا مكان البيعة وهي مصلى اليهود التي كانوا يتعبدون فيها في الجاهلية مسجدا أينام وفي أول مسجد الطائف أخرجه أبو داود عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم ولفظ ابن ماجة حيث كان طاغيتهم أينام. Donc le cheikh explique, il dit donc le fait de faire, le prophète avait ordonné aux gens de Taif de construire leur mosquée à l'endroit où il y avait leurs idoles, et bien ça c'est dans le sens de transformer un lieu de kufr en un lieu de foi, comme c'est arrivé pour la mosquée de Taif, et on appelle la mosquée Al-Abbas ou la mosquée Ibn Abbas, et on dit que c'est un endroit où les gens adoraient Al-Lat auparavant, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'elle soit transformée en mosquée, cet endroit, hein, et qu'on adore uniquement Allah. Donc avant c'était un endroit de shirk et on l'a transformé en un lieu de tawhid, d'unicité d'Allah et d'adoration. Il dit également il a ordonné aux gens de Al-Yamama de Bani Hanifa, les gens de Al-Yamama, c'est la région dans le coin de Riyad aujourd'hui, je pense, yani. Parce que Bani Hanifa, c'était là leur terre, c'était là qu'ils habitaient, et il y avait à cet endroit-là une synagogue ou un temple des Juifs, et elle a été dans la Jahiliya, il y avait une synagogue et elle a été transformée en mosquée. Et il dit ensuite donc pour, au sujet de qu'est-ce qui a été dit à propos de la mosquée de Taif, c'est rapporté par Abu Daoud, selon Uthman ibn Abi al-As, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de rendre l'endroit où les gens adoraient leurs idoles à Taif, d'en faire une mosquée. Et la même chose a été rapportée par Ibn Majah aussi. Et donc ça c'est yani un exemple à ce sujet-là. Et aujourd'hui même, dans certains pays des chrétiens même, on a transformé des églises en mosquées. Aynam. C'était un endroit où les gens adoraient les croix, adoraient les idoles, adoraient Jésus, adoraient Marie, hein, adoraient les saints. Au lieu d'adorer Dieu seul, au lieu d'adorer Allah seul, ils adoraient des prophètes, et des anges ou des Al-Musta'an. Et aujourd'hui, c'est des lieux de tawhid. On adore Allah seulement dedans. Il n'y a pas de doute que c'est un châtiment. Il n'y a pas de doute que c'est un châtiment d'Allah. Tout malheur qui atteint l'humanité, c'est un châtiment. Mais en même temps, ça dépend pour la personne qui va être touchée par ce châtiment-là. Pour certains d'entre eux, ça peut être une expiation pour ses péchés, tandis que pour d'autres, ça va être un châtiment. Mais en général, lorsque Allah fait tomber une punition comme ça sur un peuple, c'est souvent c'est des peuples mushrikines et des peuples kuffar et des gens qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.